Coucou, bonjour, bonsoir, vous êtes là, prêts pour cette nouvelle aventure? Eh oui, nous sommes prêts pour cette 750e Momenti Vienesi, c'est la valse lente que nous interprète Lucio Pavani. C'est un ami, oui, c'est un ami, il a un grand orchestre, 12 musiciens. Du côté de mon pays, vous connaissez mon pays? Oui, vous le connaissez, hein? Eh oui. Plus particulièrement, du côté de Venezia. Eh oui, que voulez-vous? On ne se refait pas. Eh oui, on est là pour, allez, presque 2 heures. Dans cette émission, comme dans toutes les émissions, eh bien, des moments que nous allons essayer de passer le mieux possible. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec une petite valse. Elle n'est pas lente, celle-là. Non, non. Et c'est la valse des montagnes. C'est pour vous. Quand on danse, on oublie la terre qui est le souci de demain. On a chaud, on trinque à la bière et puis après on verra bien. Sur la piste, les couples s'élancent et ils tournent joyeux. Ils tapent du pied en cadence, on peut dire qu'ils ont l'air heureux. Le bonheur, c'est bien peu de choses, la musique et un bon parquet. Ça fait voir la vie en rose, il n'en faut pas plus pour danser. On verra bien ce qui va se passer dans cette émission, mais peut-être des surprises et peut-être pas d'ailleurs, peut-être pas. On continue, bien sûr, on est là pour ça. Une mélodie musette, ça sent si bon la France. Reprendre un air de fête, c'est pour nous une chance. Dans les balles, les guinguettes, plus rien n'a d'importance. La chanson

Eh oui, trois petites notes de musique, des souvenirs qui reviennent, qui font surface et qui nous rappellent, eh bien, tout simplement, certains moments. Merci Juliette, Juliette Gréco qui nous a interprété cette très belle, cette magnifique chanson. Songer à une rose, une nuit en dormant, vraiment si peu de choses, peut-être mais pourtant, depuis je ne vois qu'elle, et j'en suis amoureux, c'est comme une étincelle. Qui jaillit à mes yeux, je rêvais d'une rose qui me parlerait d'amour et resterait éclose jusqu'à la fin des jours. Une rose si belle. Si jolie en robe de velours, n'avoir plus qu'une envie, la garder pour toujours, aimer à la folie son parfum le plus doux, et pour toute une vie l'avoir auprès de nous. Cette rose, je vous l'offre, je vous l'envoie avec toutes mes félicitations parce que on ne donne pas toujours comme ça des roses à la radio, hein ? C'est vrai ? Allez, les Parisiens, vous connaissez les Parisiens ? Ah oui, les Parisiens, ils ont une longue histoire. Par Carpentière, v'là une famille avec le père qui se donne des airs de vieux loup de mer, casquette sur l'œil et pipe en terre. Tiens, tiens, tiens, voilà les Parisiens qui viennent à Paimpol pour voir sa falaise. Tiens, tiens, tiens,

devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante, Mexico, Mexico, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico, tes femmes sont Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Ah, pas mal du tout même. Eh oui, faut le faire, faut monter un peu. Eh oui, je ne saurais pas le faire. Donc n'insistez pas, je ne chanterai pas cette chanson-là. Vous allez entendre une chanson que Jean-Marc, vous savez, rappelez-vous Jean-Marc, le chanteur du Buget, l'amoureux de la montagne, l'amoureux du Rotor, l'amoureux, eh bien, tout simplement, de ce pays qui était le sien d'adoption, il est vrai, puisqu'il était venu à Hauteville à une époque où sa maladie lui faisait défaut. Et il a trouvé le bonheur près de chez nous. Malheureusement, il est parti, voilà, quelque temps, mais il nous a laissé quelques souvenirs. Et parmi ces souvenirs, eh bien, les berges de la Valserine. Jean-Marc. « l'air éloui du monde. Et toi la rue Paul Pain levée, je n'étais qu'un tout petit garçon qui déjà t'aimait en secret. C'est avec beaucoup d'émotion qu'à 16 ans on se retrouvait près de la rivière où avec passion on passait des heures à s'aimer. Sur les berges de la Vasserine, on s'est aimé toi et moi. Tes longs cheveux, tes yeux opalines, j'étais amoureux fou de toi. Perte de la valserine, ce fut la première fois. Depuis ce jour-là, je te l'affirme, je n'ai toujours aimé que toi. Heureux nous, nous sommes mariés, notre vie fut comblée d'amour. Et les enfants que tu m'as donnés sont maintenant parents à leur tour. Aujourd'hui nous allons fêter nos noces d'or, 50 ans d'amour. Et à l'issue de cette journée, j'aimerais tant comme au premier jour. Sur les berges de la Vasserine, t'emmener une dernière fois. Tes cheveux gris, tes yeux opalines, je t'aime toujours autant, crois-moi. Perte de la Vasserine, le souvenir reviendra de nos baisers, nos soirées câlines, le bonheur vécu toi et moi. Et en perte de la Vasserine, le souvenir reviendra. Le bonheur vécu, toi et moi. Oui, toi et moi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du sapin, j'endors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Mais tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus.

Vous avez reconnu, bien sûr, les Stentors avec Parlez-moi d'amour. Un petit boléro, allez, c'est pour vous. Non, c'est pour fêter le retour de mon ami Nona. Salut à toi, mon pote, et bien revenu au Bercail. Ça fait du bien de revoir son patelin, n'est-ce pas? Allez, amuse-toi bien dans cette émission. Encore un autre petit souvenir qui me touche énormément, puisque c'était un pote, ouais, c'était même, j'ai toujours considéré presque comme un frère, c'était mon ami Jeannot, le brochu, quand il nous chantait ceci. Loulou était dans son village,

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Ah, vous êtes toujours là. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si vous êtes toujours là, on va terminer cette première partie de l'émission. Allez, tout en musette? Oui, presque tout en musette. On va dire, oui, encore il nous reste, allez, 5-6 minutes, c'est ça? Allez, c'est parti. Samba! Ça, c'est pour tous les nostalgiques de cette musique d'antan. C'était le bon temps, oui, vraiment. Grand-père dans son fauteuil lisait, grand-mère dans le sien somnolait. Moi et ce petit chien, on était bons copains et on s'amusait bien. La nostalgie d'antan, ici, sans mes parents, est présente désormais. Quand on est un enfant, on ne comprend jamais toutes les choses des grands. Aujourd'hui, à mon tour, j'essaie bien d'enseigner à mes jeunes enfants la tendresse et l'amour. L'amitié, il faut croire toujours. Est présente désormais. Quand on est un enfant, on ne comprend jamais toutes les choses des grands. Car la terre peut tourner tout au fil des années. Il n'y a que l'amour qui nous guide et rassemble tous ceux qui se ressemblent et s'en iront un jour. De la cheminée. Aujourd'hui les ans ont passé. Je repense à ce temps lorsque j'étais enfant. Ça, c'était le bon temps. Oui, vraiment, c'est à notre tour désormais de regarder nos enfants jouer avec ce petit chien. Et le copain, et nous nous sentons bien. Et nous nous sentons bien. C'est nostalgique, hein? Eh oui, c'est nostalgique, mais que voulez-vous? C'est ainsi que les choses sont faites et c'est ainsi que va la vie, finalement, avec un tout petit peu de nostalgie parce que ça fait du bien et ça nous rappelle. C'est vrai, on a toujours tendance à dire « dans le temps, c'était mieux ». Je ne sais pas si c'était mieux. Toujours est-il que nous l'avons vécu, donc nous pouvons en parler. Et nous vivons aussi le temps présent et ce n'est pas le même, qu'on le veuille ou pas, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous vois sourire. Merci pour votre fidélité. Thank you. chante encore les bruyères, les ruisseaux, les monts, la vie. Comme un paysan du pays, je suis toujours de la terre. Si je sème avec mes chansons mille fleurs de poésie, c'est pour faire pousser dans tes nuits tous les fruits de la passion. Danse, danse, ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. Danse, danse, ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. D'espoir comme avant, chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. Danse, danse, ma ritournelle, ta valse d'espoir comme avant. Chante, chante, ma ritournelle, pour un troubadour occitan. Oui, je chante encore les bruyères et le printemps refleurit, tous les oiseaux du paradis sont venus vers toi, bergère, pour te dire que la vie est belle. Un simple refrain suffit, juste un petit air de folie qui s'envole à tire-d'aile. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Où que j'ai mal au dos, y'a quelque chose qui me chiffonne, je sais pas si je dois t'en parler, tu pas penser que je déconne pas, pas. Je vois pas pourquoi on me fait courber le dos, courber le dos. C'est vrai que sur le plan pratique on doit tomber de moins haut, mais c'est pas bon pour le physique. Ça m'a filé en lumbago de courber le dos. Courbé le dos, la la, courbé le dos, courbé le dos. Remarque que pour cirer les pompes, pour lécher les pieds, c'est parfait. Et pour pouvoir en plus se faire botter le cul, d'ailleurs à ce propos, papa, m'en veux pas si j'hésite, j'ose pas te le demander. Des fois, qu'il y aurait de la dynamite, papa. Ramène-en du chantier. Aïe, que j'ai mal au dos, papa. M'envoie pas sur les roses, mais là, je suis paniqué. Je crois que ça tourne à la scoliose. Dis-moi, est-ce que toujours je vais courber le dos, courber le dos. Papa, j'avais pas bien fait gaffe, mais toi, t'es vachement voûté. Je crois que t'as trop pris de baffe, que t'as trop souvent accepté de courber le dos, courber le dos. Oh là là, courber le dos, courber le dos. Me dira que pour plaire à son chef et garder son boulot, c'est ce qu'il faut. Et pour pouvoir en plus se faire voter.

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Y'a plus sommeil quand je me réveille. Matin, chagrin, quand j'ai le mal de toi. Cassé la nuit, le jour aussi. Plus fin, pas bien, quand j'ai le mal de toi. Quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi. Tu ne mens pas. Je t'attends pas, que j'ai des ailes, une vie nouvelle, sourire devant, sourire dedans. Je peux mentir comme ça, quand j'ai le mal de toi. Ton pull sur moi me donne moins froid, parfum qui revient quand j'ai le mal de toi. T'écrire une lettre, partir peut-être, mourir c'est rien quand j'ai le mal de toi. Mais quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi. Ne mens pas, que je t'attends pas, que j'ai des ailes, une vie nouvelle, sourire devant, sourire dedans. Je peux mentir comme ça,

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Vous l'aurez compris, hein, on est dans le quart d'heure italien. Eh oui, tout simplement, le quart d'heure italien, c'est pour vous. Et c'est tout de suite. D'or sotto lo splendore della luna, mentre nell'oscurità forse vine cuor cercano in amor la fortuna, e fra i baci più tenaci ogni amante sospira così. Tremule, stelle. sorridono, cantano e ci dicono su baciatevi con ardor. Vieni con me, oh bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'oro. Tanto bene o mal, se non c'è un fanal, c'è la luna, e nel suo tenue baglior io non cercherò e non amerò più nessuna. Con le stelle, sentinelle, io ti stringo più forte al mio cuore. Cette valse, cette belle valse qui nous emmène et qui nous fait rêver parfois, n'est-ce pas? Nous sommes bien, hein? Ah oui, nous sommes bien. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur le 91 et sur le 102.5. Vous êtes toujours là? Merci. La Paloma! Eh oui, mais c'est en italien. Mais oui, que voulez-vous? Ça vous empêche pas de danser? J'en connais deux qui doivent le faire régulièrement. Léon et Mimi. cuore con le tue mani. In un pensiero dolce di nostalgia, baciala perché baci la vita mia. Ai Chiquita, perché tu non voli da me? Nel mio cuore c'è un nido d'amore che aspetta solo te. Ai Chiquita, perché tu non voli da me? Nel mio cuore c'è un nido d'amore che aspetta solo te. Le mercredi, le dimanche et le lundi, c'est pour vous, sur le 91, sur le 102.5, tout simplement, rendez-vous avec vous. Et vous pouvez continuer le tango, bien sûr. In la canzon la nasa Napoli e certamente camminga tutti d'or sorriento mergellina tutti i popoli l'avran cantata almeno un milione di volte mi speri che si offenda la nice se parli un cicinin anche di noi. Oh mia bella madunina e te brillette lontan tu t'adora e piscinina ti te domine Milan sota ti se vive la vita se sta mai coi mani ma canten te lontan de Napoli se ne ma pe venien chi a Milan. Adesso che la canzon de Roma magica tenina il cupolone rugantin se spatenin del Tever roba tragica esageremme paron cicinin speren che gademminga la mania e mettes a canta malano mia. Oh mia bella madunina e te brillette lontan tu t'adora e piscinina chi te domine Milan sotati se vive la vita se sta mai coi mani in man canten tis lontan de Napoli se mer ma pe venien chi a Milan. Veni senza paura, non ve slungarem la man. Tutto il mondo le paese sem d'accord, ma Milan è un gran Milan. Allez, ça va être un moment, un petit moment de bonheur qui continue dans cette émission avec le quart d'heure italien. Degli occhi tuoi non so il colore, so solo che mi fanno impazzire. Quando ti guardo mi chiedo se sei così bella, se verrai con me. qualche volta si può anche morire, come io per te, come io per te, come io per te. Degli occhi tuoi non so il colore, sono più belli, più grandi del mare, pieni di luce, pieni di sole. Non hanno pianto mai per amore. Come vorrei averti vicina, sentir la tua voce ancora da bambina, stare insieme a te mentre fuori piove, dividerei con te tutte le mie gioie. Si può anche morire, come io per te, come io per te, come io per te, come io per te, come io per te, come io per te, come io per te. Ça fait du bien, ça fait du bien, mais c'est pas fini, encore quelques petites minutes et on va terminer après en apothéose. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tu odio.